D'abord, il y eut un orage, puis un blackout. Il est apparu tel un troubadour. Il était vêtu d'un serval et portait un collier de capsules de pierre. Il dégageait une odeur de fauve alcoolisée. Et puis, il était accompagné de personnes bizarres. Sa femelle et de Bess, son sorcier. Et il chantait des trucs incompréhensibles dans un dialecte. Mais arrête, tu racontes vraiment n'importe quoi, c'est même pas comme ça que ça s'est passé en vrai.